Les éditions La fille d'à côté présentent Faustine, une saga biographique. Tome 4, Faustine et le nouveau monde, par Christina Schwab. Prologue. Découvrir l'Amérique, c'est le rêve de Faustine depuis qu'elle a lu le Lys de Brooklyn de Betty Smith lorsqu'elle avait 12 ans. Cette fois, elle y est. Dans sa cambrousse de Virginie, Faustine tente tout d'abord de se faire comprendre. C'est loin d'être gagné, l'anglais de Shakespeare ne ressemblant en rien au baragouin américain. Ensuite, elle aimerait gagner quelques sous et enfin s'adapter aux us et coutumes locales. L'Amérique des années 80 est en pleine mutation, bonne ou mauvaise chose. En tous les cas, son évolution sur les plans géopolitiques et sociaux est fascinante. Quel peuple étrange! Qu'y a-t-il derrière tous ces sourires refaits? Pourquoi travaillent-ils tous autant? Le rêve américain, mythe ou réalité? Et les pauvres alors? Tous des losers? Au début de sa vie de couple, Faustine aura du mal à se regarder en face, prenant sur elle seule d'avoir ruiné la vie de Madame X et de ses enfants. Néanmoins, elle s'appliquera à chercher un équilibre, arrosant parfois un peu trop généreusement son jardin intérieur. L'alcool aux States est omniprésent. Entièrement tournée vers son objectif final, se marier et avoir des enfants, la jeune femme ira de déception en frustration. Il y aura des compensations, bien sûr. L'amour, le jazz, la cuisine, le travail, les amis, les voyages. Mais Faustine est farouchement déterminée. Alors, aura pas.